soi, chacun de son côté. Reste la nuit à passer, encore une nuit à tirer au milieu de ces bagnoles. Oublier jusqu'à demain, ici c'est ton foyer, ici tout appartient. Et y'a rien d'autre à faire que de se faire ces bagnoles. Pour quelque chose à prendre, quelque chose à revendre. Comme ça, c'est pas une vie, mais t'as pas le choix.